Entre la claque sur la joue et le clap du cinéma, il y a peut-être plus qu'une similitude sonore. La gifle est un geste et un son. C'est aussi un élément narratif qui fait basculer une intrigue. Souvenez-vous du Cid de Corneille dont on parlait lundi dernier. Qui est giflé quand un acteur, et c'est plus souvent une actrice, reçoit un coup? Faut-il faire semblant de gifler le corps de l'acteur? La gifle au cinéma nous en dit long sur notre rapport au coup et à ce que Hegel nomme la fixité de l'être que la gifle vient bousculer. Bon, silence plateau s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Excusez-moi, ça va mieux? Il m'en faudrait peut-être une deuxième. Ça va là? Ça va? Dites-moi, vous n'en voulez pas une, vous? Ah non, pas du tout. Mais tu vas l'avoir quand même. Oh, tu vas l'avoir. M'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. Laissez-moi un petit peu, quoi. Non, je vous en supplie. Ah, non. Dites pas de bêtises. Deux, trois petits billets, allez. C'est pas que je m'ennuie, mais j'ai les joues qui me brûlent. Il m'a filé une beigne, et je lui ai filé une torgnole. Il m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. Bonjour Hélène Frappa. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci. Vous êtes venue à plusieurs reprises à ce micro nous parler de cinéma, justement. Vous êtes écrivaine et critique de cinéma. On parle de la gifle ce matin. La comparaison entre la claque sur la joue et le clap du cinéma, c'est à Jules Barbier qui a préparé cette émission que je la dois. Ça fonctionne très bien, non? Oui, il est très fort. Décidément, j'y avais jamais pensé. Et à l'instant, je l'ai entendu, ça m'a paru une évidence ontologique, je dirais. Il y a quelque chose sans doute de fort dans le fait de, avant qu'il y ait action, cette forme de, comme les réalisateurs qui disent action, que ça passe par cette gifle, qui peut, alors qu'on peut entendre de deux manières, mais entre autres, on va le voir. Ben, moi, je l'entendrais soit du côté de la gifle qu'on va voir, hein, brutale, la baffe, et puis peut-être aussi du côté commedia dell'arte, juste du clap, comme ça, qui nous emmène ailleurs, je pense. Alors, quand on vous a proposé de faire cette émission, on vous a proposé de parler de la gifle de Pinotto, vous avez tout de suite accepté, vous avez dit, mais franchement, quand même, dans ce film, vous allez nous expliquer pourquoi, hein. C'est vraiment une certaine vision de la gifle et de la France et de la femme qui est donnée, donc on a élargi. Hein, les auditeurs sauront tout, on a élargi le programme et donc on va se promener dans l'histoire du cinéma à travers certaines gifles qui sont devenues mythiques. Mais ça veut dire que la gifle est un prisme fécond pour penser un certain rapport au cinéma? Oui, c'est un... pour penser un certain rapport au cinéma, c'est-à-dire le lieu même où une pensée du corps est en acte et mise en scène. Et c'est ça quand même, hein, avant tout, dont il est question. Alors, il est question du visage humain et de ce qui va se prendre effectivement essentiellement comme violence. Et donc il est question aussi de sa représentation, il est question de... Voilà, les gifles sont souvent filmées en gros plan, c'est la joue, hein, et comment on traite ce visage, l'humanisation ou pas du visage. Je pense que la gifle, c'est ça qu'elle nous montre au cinéma. Et le cinéma peut le montrer mieux que d'autres formes d'art dans la mesure où il y a des outils à sa disposition. Le gros plan, l'utilisation du son pour nous faire vivre cette gifle. On n'est plus simplement spectateur quand un acteur est giflé. Hein. Oui, alors le cinéma c'est un gros plan. Hein. Je crois que c'est ce que disait Susan Sontag. Elle disait que les actrices hein, finalement faisaient en grand, agrandi, ce que font les femmes. Toute la journée. Alors moi, j'ai jamais fait de différence entre actrice et acteur. Je pense que tout acteur est une actrice et d'une certaine manière, le cinéma féminise toute personne qui est sur un plateau, enfin toute personne qui est derrière la caméra, devant la caméra. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans comment dire, l'histoire du cinéma depuis le début nous montre quelque chose de la souffrance de la femme. Hein, beaucoup, on l'a y compris dans des films qui ont beaucoup brutalisé les femmes, dont les réalisateurs ont beaucoup brutalisé les femmes, et je crois qu'on va en parler aujourd'hui. Ouais. Quelque chose échappe à cette brutalité-là, et voilà, le spectateur est avec ces femmes-là. Il y a une forme d'empathie qui s'exerce entre le spectateur et l'actrice, et c'est pour ça sans doute que le cinéma est traversé par une violence sociale une violence familiale, une violence patriarcale que la gifle nous montre au premier plan. Donc si les acteurs sont des actrices comme les autres, ça veut dire qu'eux-mêmes sont soumis à la même violence, c'est ça en fait? Bien sûr, et c'est quelque chose dont on va parler, je pense aujourd'hui, un de mes maîtres, si je puis dire, Jacques Rivette, disait un film raconte l'histoire de son tournage. C'est-à-dire que tout spectateur regarde toujours deux films en même temps. Le film qui lui est raconté, qui est celui, bon voilà, qu'il voit sur un écran. Et puis en même temps, le film qui a été tourné et qui a induit un certain type de relation, j'en parlais à l'instant, entre le, alors c'est pas nécessairement une relation de violence du tout, c'était pas le cas avec sur un plateau de Jacques Rivette, mais il y a quelque chose qui s'imprime sur l'écran et qui est cette histoire qui a eu lieu sur un plateau de la relation entre un metteur en scène, son équipe, pas seulement les acteurs, hein, toute son équipe et ses acteurs et ses actrices. Et ça, la gifle aussi le raconte. On va laisser la parole à Claude Pinoteau, qui a réalisé le film qui s'appelle La Gifle en 1974 avec Lino Ventura et Isabelle Adjani. Claude Pinoteau va raconter, va vous donner raison en fait, Hélène Frappa. Il va raconter exactement ce qui s'est passé pendant le tournage et ensuite vous entendrez la scène de film et vous verrez le lien entre les deux. Il y a prescription, vous voyez, je crois que j'en ai jamais parlé. Isabelle, qui ne voulait pas chose artificielle, qui cherchait donc vraiment à être émue, à retrouver son émotion d'après La Gifle, à être dans l'état où elle était, je n'arrivais pas. Là, je me mets face à elle, je lui dis, bon, toi, ta mère est en Australie, elle vit avec un autre homme, tu es seule dans la vie, bon, tu es désemparée, tu as loupé ton examen à l'école de médecine, de lui raconter un peu pour amener l'émotion. Moi, je m'y prenais même à l'émotion moi-même, d'ailleurs. Et puis, elle me regarde, elle me dit, Claude-Louis, non, ce qui m'aurait beaucoup aidé, c'est qu'on ait tourné la scène de La Gifle avant. Paf! J'en ai mis une. Mais instinctivement, sans vraiment me contrôler, je l'ai reprise dans mes bras, j'ai dit, Isabelle, excuse-moi, pardonne-moi. Elle m'a dit, non, ça va. Je dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Bon. Et j'ai ouvert la porte, j'ai dit, bon, envoyez les lumières. Bon. Et je me suis mis derrière la caméra, puis j'ai vu la porte s'entrouvrir, elle m'a fait, elle était en larmes, et on a tourné la scène. Allez, maintenant, dans ta chambre, un lapin qui fait bravo. Allez, hop! Tu me fais pas peur, hein, tu sais. Même demain, si tu m'envoies l'examen, et ben même avec un voix, j'écrirai pas! Parce que sans doute, toi, tu crois que tu me fais peur, hein? Tu parles mal, tu travailles mal, tu danses mal, tu grandis mal, mais tu ne me fais pas peur, Isabelle. Je vis mal, mais c'était le départ. Ah oui, pardon, j'oubliais, oui. Et c'est sans doute pour ça que t'as failli coucher dehors la veille de l'examen, pour vivre autrement, hein, c'est ça? Pas autrement, autre chose! Et avec quoi? Avec lui, là, qui peut pas mettre un mot devant l'autre et qui tombe de son vélo dès qu'on lui parle, hein, c'est ça? Pour toi, un homme, c'est ça? Mais je veux pas être homme, j'ai jamais dit ça! Je m'en fous d'un homme! Je veux un garçon! Et puis lui, j'espère qu'à la cinquantaine, il se retrouvera pas sur le carreau, hein! Parce que toi, toi aussi, t'en es tombé de vélo avec tous tes diplômes! Qu'est-ce qui t'a dit ça? Oh, tout le monde le sait! Tout le monde en parle! Alors, arrête de me faire rire, hein! Parce que je l'ai vu! Et là voilà, cette claque qui termine l'extrait, c'est assez insoutenable à l'écoute, hein, Hélène Frappa, tout ce qu'on vient d'entendre. On va commenter le film dans un instant. D'abord, est-ce que vous connaissiez cette archive de Pinoteau? Non, mais je dois dire que insoutenable, je suis heureuse entre guillemets que vous employiez à nouveau ce mot parce que vous l'avez employé dès la première émission de lundi. Et en l'entendant, je me suis dit voilà le mot en fait. C'est pas un mot qu'on emploie si souvent, et je pense que là il est précis, il est rigoureux, c'est insoutenable. Moi, ça me fait venir les larmes aux yeux, la chair de poule. C'est dégueulasse, hein, disons-le. Alors, c'est en même temps, c'est pas du tout anecdotique cette question parce que c'est le syndrome, comment dirais-je, le dernier tango à Paris. Hein, on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire une actrice, Maria Schneider, qui s'est fait violer en direct sur le tournage par un complot, hein, du réalisateur Bertolucci et avec son acteur Marlon Brando qui avait prévu de faire ça pour obtenir quelque chose d'elle sans le lui dire. Donc elle savait pas qu'elle allait être sodomisée en vrai, hein, donc violée en fait sur le tournage. Ça s'est reproduit, l'histoire du cinéma est pleine de ces histoires-là. Ça fait partie de la complexité de l'histoire du cinéma, ça fait partie de ce qu'il faut aborder maintenant, hein, de ces récits qu'il faut à mon avis à la fois changer, sans non plus balancer toute l'histoire du cinéma avec l'eau du bain. Et c'est ça, à mon avis, qui est très intéressant. Parce que on entend dans ce qu'on appellerait misogynement l'hystérie de l'actrice du personnage interprété par Isabelle Adjani, le spectateur entend aussi bien à la radio la souffrance insoutenable, pour reprendre votre terme très juste, ce personnage ressent. Et surtout, je dirais, la laideur des relations induites. Bon, c'est une enfant, qu'elle est adolescente. Elle est en première année de médecine. Elle est en première année de médecine. Elle a 17 ou 18 ans. Alors, elle est, je pense qu'il n'a pas, Pinotto n'a pas choisi par hasard cette ravissante actrice qui est comme une, qui a ce visage de petite fille encore. Donc, il y a quelque chose de l'enfance en elle, qu'elle a toujours conservé d'ailleurs, et qui est, voilà, qui nous dit qu'elle est plus enfant que jeune femme. Et puis, de toute façon, elle est dans cette prison d'une relation de ce père qui ne la laisse pas s'échapper. Hein, là, d'ailleurs, la seule solution qu'elle aura à la fin du film, c'est la fuite. Alors, cette archive, en effet, de Pinotto que j'ignorais, elle me rappelle, elle m'étonne pas, en fait. Hein. Moi, je connaissais, je savais ce qu'Isabelle Adjani avait dit de ce qu'elle avait vécu comme souffrance sur le tournage. C'est-à-dire qu'elle a été giflée par l'acteur donc qui interprète son père qui avait été Lino Ventura. Par Lino Ventura qui avait été ancien champion de lutte hein, qui le catch même je crois le catch de lutte enfin whatever enfin un truc disons violent qui était une espèce de baraque comme ça hein, une masse de muscles de et qui donc l'a giflé en vrai et qui l'a balancé vraiment à un mètre sur son lit en vrai, c'est-à-dire que ce qu'on voit à l'écran, c'est une vraie baffe. C'est une vraie baffe, mais je veux dire, je peux dire qu'il aurait pu la tuer, mais quasiment, c'est-à-dire que il aurait pu en tout cas l'assommer, il aurait pu, je sais pas, lui créer des problèmes, neurologiques. La baffe était tellement violente qu'elle l'a quand même balancé sur le lit. Alors après, il a dit une phrase du genre "j'ai pas mesuré ma force". Bon, enfin, ça fait quand même beaucoup de gifles violentes. Oui, et puis ces deux choses différentes, pardonnez-moi, mais la gifle, ce qui ne la justifie pas, hein, mais la gifle donnée par un acteur à une actrice pour coller au scénario, et la gifle du réalisateur qui n'est pas du tout obligé de frapper son actrice, qui d'ailleurs de son propre aveu dit « je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais je l'ai giflé, je l'ai pris dans mes bras, elle m'a dit non, ça va ». Pinotto, autant il y a des réalisateurs qui sont connus, qui ont une réputation horrible avec leurs acteurs et leurs actrices, je ne crois pas que ce soit le cas de Pinotto. Donc là, il y a quelque chose de vraiment déconcertant. Elle s'est pris une double gifle, Adjani. Alors moi, en regardant le film, je trouve pas ça si déconcertant. Certains parce que c'est quand même un film qui nous raconte la gifle de Pinotto contre son actrice. Elle est pour moi le geste, elle est même pas l'impensé. Elle raconte ce que raconte tout le film. Je la trouve parfaitement juste et cohérente avec ce que raconte le film, c'est-à-dire l'histoire d'une jeune fille et le regard du réalisateur ne me paraît pas. Il y a quelque chose grâce au jeu d'Adjani qui échappe à ce que le film nous raconte. Il y a plusieurs récits. Hein. Ouais. C'est ça qui est beau dans le cinéma et c'est pour ça qu'il y a de la pensée. On pourrait dire le clap de début, c'est aussi bien la manière dont deux récits se frottent ou se heurtent dans tout film. Et c'est ça, pour moi, peut-être presque le seul intérêt de ce film que j'ai jamais trop adoré, à vrai dire, mais qui est de nous montrer d'un côté le récit que veut faire Pinotto. Et le récit que veut faire Pinotto, c'est foutre une baffe à Isabelle Adjani. C'est-à-dire nous raconter l'histoire d'une petite jeune fille, qui est quand même une brillante jeune fille en première année de médecine, qui est absolument ravissante, qui est très bien élevée. Enfin, je vois pas très bien quel est le problème et pourquoi elle s'en prend plein la gueule comme ça de toute sa famille, de tous ses liens, etc. Elle est maquée avec un type qui est débile, complètement idiot, qui passe son temps à coucher avec d'autres nanas et qui par ailleurs est d'une jalousie féroce. Donc on n'est pas très loin de ce qu'on appellerait aujourd'hui un féminicide. Hein. Il passe son temps quand même à l'agresser, à la suivre, à être dans du harcèlement paranoïaque, etc. Alors que elle est là et voilà, il y a quelque chose elle est giflée parce qu'elle doit être giflée en tant que femme, en fait, dans tout ce film. Et la seule solution qu'elle a pour échapper à ça, parce que personne en face d'elle ne comprend, finalement, il y a cette phrase horrible que son père lui dit, tu fais tout mal. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus laid à un enfant ? Tu me parles mal, tu travailles mal, tu danses mal, en ce moment que ça voilà. Fait tu grandis mal, mais tu ne me fais pas peur, Isabelle. Voilà. Alors, pour employer un terme très cinématographique et qui doit être entendu ontologiquement, et c'est une des choses qui fait que le cinéma est un des lieux de pensée, c'est le mot projection. Alors entendons-le, évidemment que il a un sens psychanalytique, mais là le père il projette totalement, parce que s'il y en a un qui parle mal, c'est lui. Et je pense que la gifle raconte beaucoup, ça a été merveilleusement, remarquablement dit dans la deuxième émission, des histoires de projection, c'est-à-dire des parents qui projettent beaucoup des choses sur leurs enfants, et c'est peut-être les parents qui mériteraient souvent la gifle qui est donnée. Avec votre référence à l'émission sur la punition qu'on a fait mardi dernier. Oui. Exactement. En tout cas, celui qui parle mal, là, c'est lui. Cette jeune fille, elle dit cette phrase très belle quand même. « Moi, je vis mal ». Je vis mal. Donc, elle souffre, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et cette souffrance, elle n'est à aucun moment entendue dans tout le film. Le seul moyen qu'elle a de la vivre un peu à l'abri, c'est de se barrer, de s'enfuir, de partir littéralement comme un chat va s'enfuir d'une maison, quoi. Et elle part. Donc, il y a quelque chose, je trouve que la gifle de Pinotto sur le plateau, on la voit pendant tout le film. C'est-à-dire que elle est traitée d'une manière, qui n'est pas humaine, cette gamine. Et le film n'a pas l'air tellement gêné. Notamment, il y a une scène assez, assez dégueulasse entre le père et le fiancé débile que je trouve tout à fait insupportable. Espèce de pacte, hein, c'est le boys club où lui il vient de coucher avec une nana, le fiancé. Donc le fiancé jaloux couche évidemment. Morillon. Projection, il est jaloux, mais en fait c'est lui qui trompe. Ok. Le père dit ok, je dirai rien de ton secret, un boys club. Mais voilà. Et donc il y a un pacte de violence pour enfermer cette charmante jeune fille qui n'a d'autre solution que la fugue, qui est quand même mais pas elle s'échappe justement. Elle s'échappe, mais elle s'échappe. Le personnage de la mère. Est-ce que c'est une bonne solution de se retrouver dehors quand on est non, c'est pas ça. C'est que la vision est peut-être un peu moins manichéenne que ce que vous dites du statut de la femme dans le film. Alors bien sûr, il y a des absolument très choquantes. Et on en arrive au deuxième récit. Ouais. Sauf que ce récit, il est pas écrit par Claude Pinotto. Et c'est là où le cinéma, c'est quelque chose de génial, c'est que l'acteur, l'actrice, il a son mot à dire dans le film. Et c'est là où ça devient un outil de pensée. C'est-à-dire, on a d'un côté le récit de Pinotto, qui est un vieux récit français rance, patriarcal, qui, moi, m'intéresse pas des masses. Mais en même temps, qui a sa place historiquement. Faut le regarder, ce récit. C'est effectivement le père qui fout une baffe à sa fille, le réalisateur qui fout une baffe à son actrice. Et puis, on a le récit d'Isabelle Adjani, qui est pas le récit que veut faire Claude Pinotto. Alors, ça passe par beaucoup de ce qu'on appellerait hystérie. Elle gueule. En même temps, elle a une énergie. Ouais. Une énergie. Et c'est le récit de cette jeune fille qui, à la fin, se barre. Et on, pour moi, elle gagne. À la fin. De même que, et ça on en parlera après, que Tippi Hedren gagne à la fin des oiseaux, même s'il y a eu deux récits. Mais voilà, l'intérêt du cinéma, c'est de permettre que quelque chose s'exprime, qui soit aussi le récit de l'acteur, le récit de l'actrice, même si ça a consisté à se prendre beaucoup de gifles pour cette actrice. Mais même dans le scénario, quand même, le scénario fait en sorte qu'elle puisse s'échapper. Le personnage de la mère change le rapport à la féminité, du beau-père aussi. Il y a quelque chose qui bascule dans la seconde partie, justement à partir du moment où elle est partie, où elle a fui, dans un autre registre. Oui, aussi bien d'ailleurs du jeune homme qu'elle rencontre ensuite, c'est qui est un jeune homme avec qui elle a une relation humaine, charmante, amoureuse, de vraiment, voilà, il se passe quelque chose de plus humain. Mais quelle violence pour en arriver là, quand bien même. Sûr, mais c'est aussi, c'est ce qu'on appelle les teen movies. On est dans la tête, finalement, de cette fille qui va vivre à l'outrance des choses que beaucoup d'adolescents ont vécues au même âge, soit de manière fantasmée, soit de manière absolument réelle, et parfois bien pire même. Et c'est, à mon sens, aussi la force du film. C'est qu'on la suit et on se dit, cette violence-là qu'elle subit et qui est abjecte, comment va-t-elle faire pour s'en sortir, justement, pour la contourner. Et elle y parvient dans le film. Elle y parvient, mais enfin, quand même, il y a ce moment de la lettre où on sent qu'elle est, elle dit, j'ai deux hommes. Bon, j'ai deux hommes, c'est son mec, le premier, celui que j'aime pas, avant le deuxième. Le personne que ne l'aime, préfère. De toute façon, oui, voilà. Le père non plus. Hein. Et son père, elle dit ça, quand même. Et là, on se dit, waouh. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est un autre problème. Ça, c'est la suite du film. Parce que les films, après, peuvent continuer, bien sûr, dans la tête des spectateurs. C'est-à-dire, on lui souhaite de se sortir de ce mariage qui n'est pas un bon mariage, qui est dans la tête le mariage avec le père. Et qui rappelle étrangement le mariage entre Suzanne, jouée par Sandrine Bonner, et son père Maurice Pialat dans À nos amours. Hey, papa, tu vas venir me chercher tout à l'heure. Il y a ce mariage de garçons. Ils vont me demander la permission de m'aller au cinéma. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas une histoire. Tu les connais, ces garçons, toi? Ces garçons? Non. Tu sors le soir maintenant? Mais non, je sors pas le soir. Mais j'invite des amis à boire un verre, puis après on va au cinéma. C'est pas une sortie. Tu vas me faire le plaisir d'annuler ça tout de suite, tu m'entends? Mais qu'est-ce que tu t'imagines, toi? Faut attendre la nuit pour faire le mal. Tu me laisses toute la journée, puis à 8h, j'ai plus le droit de rien faire. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ouais, c'est une réponse. C'est trop tard maintenant, hein. Je peux pas les prévenir. Ils sont partis. Très mal. Roger, tu vas pas mettre ces jeunes gens à la porte. Je ne veux pas le savoir, tu m'entends? Je veux pas le savoir. Mais quand même, je vais pas les foutre à la porte dès qu'ils vont arriver. Écoute, la prochaine fois que tu me fais un coup comme ça, Suzanne, hein, je t'étrangle. Mais ça va pas, non? J'en ai marre que tu t'écoutes ma gueule tout le temps comme ça. Tous les soirs, tu me fais chier à la fin. Bon, vivement que cette semaine touche à sa fin, parce que j'en peux plus d'entendre des gifles tout le temps, je dois vous dire, elle ne fera pas. Alors, ce film-là, À nos amours, de Maurice Pialat, 1983, porte, comme la gifle de Pinotto dont on vient de parler, sur le passage d'une jeune femme à l'âge adulte dans une sphère familiale plus ou moins éclatée de la bourgeoisie parisienne. Et là encore, eh ben on a une vraie baffe. Hein. Je ne sais pas si à l'époque on ne savait pas qu'on pouvait faire semblant, mais Maurice Pialat va vraiment frapper Sandrine Bonnaire. Oui, alors Maurice Pialat ne faisait pas semblant dans la violence. Hein. Il s'est même vanté de ses méthodes sur le montage. Méthode d'ailleurs que les monteurs semblaient masochistement trouver, comment dirais-je, la GIF n'a rien à nous apprendre, en fait. Je pense que pour résumer un peu ce qui a aussi été dit mardi par le pédopsychiatre, la GIF l'a été, présentée, alors apparemment par la Bible, c'est pas une de mes lectures de chevet, donc j'ignorais qu'il y avait à ce point-là une tradition chrétienne et catholique, même si ça m'a pas des masses étonnée, mais comme un outil d'éducation. Donc, si on se pose la question, qu'est-ce que la GIF a à nous apprendre? Moi, quand j'ai écouté toutes les émissions, je me suis dit, en fait, rien, s'il faut répondre. Ce qu'elle a à nous montrer, elle a plein de choses à nous montrer, ça c'est certain. Elle délivre un certain savoir sur l'univers familial. Donc là, effectivement, est-ce que c'est un outil pédagogique? Non. On le voit bien, et on le voit bien notamment dans cette scène. Moi, j'avais pas revu À nos amours depuis très longtemps. Alors, c'est un grand film, Maurice Pialat est un grand cinéaste, mais il y a quelque chose d'insoutenable dans tout ce... Alors, heureusement qu'il y a cette jeune fille, cette actrice inouïe, donc Sandrine Bonnaire, qui est là, et qui lutte. C'est la chef de Monsieur Seguin. Il y a le loup, c'est tout le père, le frère, la mère, mais la mère en même temps manipulée par le père et le frère. Bon. Et puis il y a cette gamine qui est là, qui résiste, qui se tape un mec toutes les 5 minutes. Mais elle a raison, ouais. Il faut qu'elle continue, il faut qu'elle résiste. Et en même temps, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a comme échappatoire pour partir de la maison? C'est le mariage. Mais elle est là et elle dégage une force vitale extraordinaire. Néanmoins, en effet, il y a quelque chose dans la violence qu'elle prend qui est insoutenable dans tout le film, même si, comme toujours chez Pialat, et c'est le génie de Pialat, il y a un moment dans le film qui va humaniser ce visage de la jeune fille qui vient d'être... On l'écoute si vous voulez avant qu'on continue d'en parler, parce que vous sauvez vite Pialat. Voici la scène. T'en as marre d'ici? Ouf, il y a un jour où on en a marre, oui. T'as une bonne femme, c'est pour ça. Si on part, c'est pour ça, hein. Mais oui. Et ça te ferait quelque chose? Et comment? Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'es quand même mon père, hein. Et alors? Je suis ton père, c'est tout. Ouais, d'accord, mais... Je t'imagine pas qu'une bonne femme. Je t'ai rien dit, hein. Ouais, d'accord. Je t'imagine pas partie non plus. Moi, tu vois, ce soir, je t'imaginais avec Bernard Trévy. Ah bon? Oui. Pourquoi tu crois qu'on n'a pas d'imagination quand on est parents? Si. Ton Bernard Trévis, t'en as pas marre, là? Non, je serais pas ici, Sandra. Enfin, je serais pas avec lui. Parce que t'es avec lui? Non, mais. Je pourrais pas être au cinéma avec lui, quoi. Tu trouves pas ça bizarre que les parents, les enfants, ils veulent jamais parler de ça? Parler de quoi? D'eux. T'en as plus qu'une. Elle est partie quand, l'autre? Non. T'avais deux fossettes avant. Ouais, j'en avais deux, je sais. Et pourquoi l'autre, elle est plus là? Je sais pas. Elle en avait marre, elle aussi. Ouais. Elle est partie. Tu te rends compte, regarde, on vit avec quelqu'un tous les jours, je m'en étais même pas rendu compte. Enfin, t'as pas à t'en faire, hein. Avec celle qui reste, t'es ratiche, comme tu dis, t'es ratiche. Ouais. T'en sortiras, elle va te coucher. Allez, bon, ça. Pour une fois qu'on a bien parlé, tiens. Salut. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On parle de la philosophie de la gifle aujourd'hui au cinéma, après la gifle de Pinotto, À nos amours de Maurice Pialat. On a déjà entendu la scène de la gifle, Hélène Frappa. Et là, c'est la scène dite de la fossette, où le père semble être dans un moment de tendresse avec sa fille. Et je dis, tiens, c'est bizarre, tu trouves pas que les parents ne parlent jamais de sexualité avec leurs enfants? D'ailleurs, où est-elle passée? Quoi donc? Ta fossette, tu n'en as plus qu'une. Ce qui est une scène qui a été improvisée, hein. Pialat, qui joue le père, le dit à Sandrine Bonnaire, qui saisit la balle au bond et rebondit sur cette histoire de fossette. Et je vous confesse que cette scène me met tout aussi mal à l'aise que celle de la gifle, de voir ce père et cette fille se parler aussi proches, à des énormes plans sur leur visage, très proches. On a l'impression qu'ils sont à deux doigts de s'embrasser, que lui la manipule, qu'elle est, je sais pas si consentante est le mot, en tout cas qu'elle est sous une forme d'emprise et qu'elle joue à ce jeu qui n'a pas à être joué entre un père et une fille. Et pour moi, c'est tout aussi violent que la gifle qu'on a entendue. Oui, je vous confesse que je me suis fait manipuler par cette scène en la revoyant. Elle m'a même fait verser quelques larmes. Je pleure facilement, mais quand même. Donc oui, il y a une manipulation là. C'est-à-dire finalement, on voit, là on a c'est un diptyque, la gifle. C'est toujours un diptyque, c'est-à-dire, en effet, c'est la gifle et la caresse. La gifle ne va jamais sans la caresse. La caresse peut aller sans la gifle. En revanche, c'est important, ça. Donc, dans le film, en effet, moi, ça me semblait être un diptyque, mais c'est un diptyque dans ce sens-là. C'est ce moment. Alors, le pédopsychiatre mardi disait, il faut pas gifler. Enfin, c'est pas, il y a les punitions. Il faut pas de punition. Il faut parler. Ouais. Là, la scène se termine par on a bien parlé. Alors, ont-ils bien parlé? En effet, Piala, quand il met en scène cette scène, est convaincu probablement qu'ils ont bien parlé à ce moment-là. Mais il s'agit quand même d'une scène où la question de la sexualité, de l'érotisation de la joue de la jeune fille est complètement, pour le dire de manière américaine, déplacée. Et neutre. C'est très déplacé. C'est-à-dire qu'en effet, le regard du père sur sa fille, sur sa jeune adolescente, c'est soit, en effet, le fait de la gifler parce qu'elle a une sexualité, soit le fait de ne pas la gifler en la regardant comme un objet sexuel. En fait, c'est ça que nous raconte le film. Hein. C'est-à-dire que la fossette, c'est le moment, on sait bien qu'une fossette, c'est très... Il y a un érotisme. Bah oui. Il y a un érotisme, je dirais, enfin, il y a une dimension de pédophilie, pour dire les choses clairement, dans la fossette, hein, qui est très intéressant, parce que la fossette, c'est souvent, c'est le bébé, c'est l'enfant, c'est ce qui disparaît, c'est une trace de l'enfance. Mais érotiser une trace de l'enfance et produire un regard de désir sur cette fossette, en effet, il y a quelque chose qui est profondément malaisant. Quand c'est sa propre fille, et quand c'est l'actrice fille qui joue dans son propre film, parce que là, il y a une mise en abîme quand même de cette relation. Absolument. Alors, c'est exactement ce qui est en jeu dans ce film. De toute façon, dans un appartement, le film se passe quasiment entièrement dans un appartement qui est vraiment un asile de dingue. Hein. Enfin, c'est une maison de dingue. Hein. C'est complètement insoutenable. Et à nouveau, mais en pire aussi parce qu'il y a un génie de la mise en scène en même temps. C'est là où c'est quelque chose de... Comment dire? On doit le penser avec ce génie de la mise en scène. On peut pas, c'est comme chez Hitchcock. Il y a quelque chose, encore une fois, on peut pas jeter Piala avec l'eau du bain. Et en même temps, il faut regarder quelque chose que sans doute, en tout cas moi, quand j'ai vu le film il y a très longtemps, je ne voyais pas. Et que sans doute je voyais pas seulement parce que j'étais trop jeune pour le voir, mais aussi parce que quelque chose a changé maintenant. Il faut regarder ces récits autrement, même si on doit pas se débarrasser complètement de ces récits où, en effet, une jeune fille n'a le choix qu'être en but soit à la violence, soit à la fugue. Parce que ça raconte à nouveau ça, finalement. C'est que le seul, comment dire... D'ailleurs, elle se barre en pension. Dès qu'elle revient, elle se prend à la fois la violence de la mère, la violence du père, la violence incestueuse du frère. Du frère. Hein, voilà. Dominique Besnehard, hein, voilà. Qui va lui taper dessus abondamment. Qui la roue de coups, littéralement. Voilà. Donc, c'est une jeune fille qui se fait rouer de coups. Voilà. Et c'est le premier grand rôle de Bonnaire. Et on peut dire que comme bizutage, hein, le bizutage qui est quand même une grande tradition patriarcale. Et moi, j'y vois quelque chose. Enfin, je pense qu'il faut penser aussi à un système, au système éducatif, en particulier au système éducatif français, ce qui se passe. Le bizutage, ça se passe beaucoup dans les lycées d'élite. Hein, il y a eu des morts, hein, avec ça. C'est encore une fois cette idée que la violence apprend, aurait quelque chose à apprendre, aurait quelque chose à apprendre. Non. Non. Mais alors, quelle position tenez-vous, Hélène Frappa, par rapport justement à ce que vous venez de dire sur ces films qui sont, d'un certain point de vue, horrible, injustifiable, dégueulasse, et de l'autre qui sont sans doute des chefs-d'œuvre, des films qu'on a plaisir à regarder, qui sont bluffants à chaque plan et qu'on ne veut pas, comme vous dites, jeter avec l'eau du bain. Bah, moi, c'est comment on s'en sort. Voilà, je dois dire que ça m'obsède d'autant plus que je peux annoncer en exclusivité mondiale que je suis en train d'écrire un livre là-dessus et essentiellement à partir d'Hitchcock. C'est une vraie question parce que, c'est une vraie question et je pense qu'on peut essayer de la résoudre philosophiquement en voyant comment démocratiquement deux films sont possibles ou pas. Je dis démocratiquement parce que quand il y a conversation, quand il y a possibilité que quelqu'un s'exprime en face, il y a une forme de démocratie, comme il y a une démocratie dans l'art de la parole du cinéma américain. Là, il y a cette forme de démocratie dans le fait de donner possibilité quand même à cette actrice Sandrine Bonnaire. Il y a la direction d'acteurs, ça existe. Hein. Je veux dire, les acteurs sont pas géniaux dans tous les films. Vous pouvez prendre des grands acteurs qui peuvent être pas très bons dans certains films. Donc, la direction d'acteur là, ce que fait Piala avec Bonheur, ce qu'a pu faire ensuite Jacques Rivette avec plus tard. Alors pas du tout de la même manière. Jacques Rivette était quelqu'un qui n'exerçait absolument aucune violence sur ses acteurs. Mais Jacques Rivette était une femme. Hein. Il le disait lui-même. Il disait que c'était ça son point de vue. Son point de vue sur le monde. Il a été quelqu'un qui était l'actrice. Il était l'actrice. Donc, ça déplace. Voilà. Oui, ça reste une relation de domination, qu'on soit homme ou femme. Ici, c'est pas une question de genre, c'est une question de domination. C'est une question de manipulation. C'est une question de domination et de manipulation. Néanmoins, je dirais qu'il y a quand même un espace qui s'exerce pour Sandrine Bonheur de s'exprimer, d'exprimer son génie d'actrice. On peut parler de génie d'actrice, hein, absolument. Il n'y en a pas tant que ça. Et dans ce génie d'actrice, de nous faire ressentir, de faire en sorte qu'il y ait une place pour que le spectateur soit avec elle et pas avec Piala. C'est-à-dire que le film ne nous oblige pas à être avec Piala, même si le film nous oblige à supporter ce que cette jeune fille subit. Et ça, voilà, c'est là où je trouve ça un peu soutenable, même si effectivement... Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être aussi reconnaître que dans le fait de regarder un film, alors je laisse de côté le fait de jouer un film, de diriger un film, mais ne serait-ce que dans notre position de spectateur, il y a toujours de toute façon une part de voyeurisme, il y a une part de jouissance et il y a une part de consentement à la manipulation. Je reviens à Rivette, je ne sais pas ce qu'il a, il doit être avec moi en ce moment spectralement m'inspirer, mais il m'avait dit une chose qui m'avait beaucoup marquée, il me disait « il y a une crapulerie dans le cinéma voilà. ». C'est difficile à penser parce que, comment dire, c'est un art de la manipulation, c'est comme ça, il y a une perversion qui est inhérente ontologiquement au cinéma, dans le rapport du cinéaste à son acteur et son actrice. Après ça va aussi, alors il y avait un livre magnifique de Stanley Cavell, du grand critique Stanley Cavell, philosophe dont vous parlez. Vous avez très souvent parlé dans vos émissions, Le don des larmes, qui parlait de ça, du fait que pour lui, on pouvait voir quand même l'histoire du cinéma dans sa naissance parallèle avec la naissance de la psychanalyse, comme quelque chose qui allait du côté des larmes des femmes, filmer cette souffrance de la femme et la documenter dès l'origine du cinéma. Moi, je suis d'accord avec ce texte de Cavell que je trouve très beau. C'est une manière de voir l'histoire du cinéma et c'est une manière de sauver aussi ces films où... Un cinéaste, y compris en exerçant une manipulation, hein, comme on l'a vu par exemple avec les plus grands films avec Marlène Dietrich, les couples exercés par des metteurs en scène manipulateurs, mais en même temps de laisser une place de montrer la vérité de cette manipulation. Voilà. Alors peut-être qu'on peut emmener maintenant le cinéma, alors je souhaite que tous nos jeunes auditeurs emmènent leur vie, leur existence, et s'ils écrivent des films ou s'ils écrivent des livres, emmènent aussi leurs récits ailleurs. Je pense qu'on a une époque cruciale d'accélération historique à tout point de vue où il faut aussi modifier les récits. Voilà. Il faut faire entendre d'autres types de récits, c'est-à-dire qui ne passent pas nécessairement par l'humiliation, la domination, la violence. Mais voilà, ces récits-là, ils existent. Ils ont été absolument majoritaires. Ce sont les récits écrits par la majorité, hein, c'est-à-dire écrits par la domination masculine. Mais ce sont les récits de nos existences aussi. Ce sont les récits de nos existences. Ce sont les récits aussi que nous, femmes, nous recevons, au sens où moi, je vous dis, je me suis encore fait avoir par la scène de la fossette. Et en même temps, je me dis, mais Hélène, tu t'es encore fait avoir par cette scène. Et en même temps, elle est belle, cette scène, et en même temps, elle est insoutenable aussi. Alors, dans quelle mesure la gifle peut-elle être justifiée? Est-ce qu'on peut la voir comme une sorte d'ébranlement de notre être, de la fixité de notre être? C'est l'hypothèse que propose le philosophe Hegel dans la phénoménologie de l'esprit. Je vous propose qu'on écoute le texte avant de continuer notre parcours cinématographique. Hélène Frappa, on va passer de Piala à l'exorciste. Attention. La liberté de l'individu et les facteurs circonstanciels de développement sont en général indifférents à l'égard de l'être, tant à l'égard de l'être comme intérieur originel que comme ossification extérieure, et parce que l'individu peut aussi être autre chose que ce qu'il est en son origine interne, et plus encore en tant qu'os. Quand on dit à un homme « ton intérieur est ceci parce que ton os est fait de telle manière », cela ne signifie pas autre chose que « ton effectivité, pour moi, c'est un os ». La gifle qui faisait office de réplique à ce genre de jugement a d'abord pour effet de faire sortir les parties molles de leur aspect et de leur emplacement ordinaire, et démontre simplement que celles-ci ne sont point un en soi véritable, ne sont pas l'effectivité de l'esprit. La réplique, en l'espèce, devrait proprement aller jusqu'à enfoncer le crâne d'un homme qui énonce pareil jugement, afin de démontrer d'une façon rigoureusement aussi tangible que l'est sa sagesse, que pour l'homme, l'os n'est rien dans soi, et est bien moins encore son effectivité vraie. Jésus te baiser! Laisse-le te baiser! Donne-moi ça, donne! Donne! Laisse-moi! Laisse-moi! Oui, elle dit pas « laisse-moi », elle dit « lèche-moi », hein, et elle s'adresse à sa propre mère. Sur les chemins de la philosophie, c'est donc un extrait de l'Exorciste qui vient accompagner cette lecture du texte de Hegel. Nous aussi, on fait des montages, hein, y a pas qu'au cinéma. Et alors là, l'écho entre les deux est assez troublant, puisque ça fait ressortir dans le texte hegélien le recours à l'os, hein, à l'os, à l'ossification extérieure dont parle Hegel, et au fait que bah, pour Hegel, la gifle ne suffit pas. Parfois, il faudrait quand même aller jusqu'à enfoncer le crâne d'un homme, dit-il, Hélène Frappa. Alors ce texte, moi, c'est un des textes, je l'ai découvert durant mes lointaines études de philosophie. C'est vrai que je l'ai aussitôt adoré. C'est un des grands moments d'humour de l'histoire, j'allais dire du cinéma, de la philosophie, qui sont pas si fréquents toujours, donc il faut le noter. Et là, l'humour est vraiment une arme, hein, une arme plus que la gifle comme argument philosophique. Godard avait repris dans un de ses cartons ce texte en résumant Hegel a fait de la gifle un argument philosophique. Donc là, de quoi il est question? Il est question des phrénologues, de la phrénologie, c'est-à-dire les types qui, au XIXe siècle, avaient une espèce de développer une théorie pseudo-scientifique complètement bidon qui consistait à déterminer voilà la nature d'un être humain à partir de la forme de son crâne, des bosses, en comptant le nombre de bosses, etc. La physiognomonie et la phrénologie, les deux. Ouais. Voilà, chose qui a beaucoup amusé Balzac, mais qui a emmené ça ailleurs dans la comédie humaine. Bon, et donc ce que dit Hegel, qui est absolument génial et qui est d'une actualité absolue d'ailleurs, c'est voilà un pseudo-scientifique, un pseudo-philosophe qui va nous dire, qui va ramener un être humain et ce qu'il appelle l'effectivité, c'est-à-dire on pourrait dire, comment dirais-je, l'identité, la substance, l'humanité de l'être humain à la forme de son crâne et au nombre de bosses qu'il a. On pourrait rajouter la forme de son nez, puis après ça nous emmène historiquement vers des choses qui sont tout à fait impliquées dans le texte de Hegel. Bon ben, pour le dire, version Godwin Point qui arrive vite avec moi, c'est un peu nazi, hein, de ramener un individu à la forme de son crâne, de son nez, etc. Mais surtout, c'est une manière de le déshumaniser complètement. Donc là, on est en plein dans. Et dans ces cas-là, dit Hegel, avec un humour pince sans rire, eh ben une bonne baffe, voire un poing dans la gueule, c'est ce qu'il dit littéralement. Franchement, il n'y a pas d'autre argument. C'est-à-dire, c'est tellement pas philosophique ce que dit ce type en face que ne prenons même pas la peine de faire semblant de considérer qu'il y a de la pensée. C'est directement une gifle. Une gifle justement pour prouver qu'on va lui enfoncer son crâne. Alors l'ossification, c'est un très très beau terme. Je trouve qu'il résume assez bien ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire finalement dans ces rapports pseudo-filiaux qu'on a vus jusqu'à présent, il y a de l'ossification. C'est-à-dire c'est une manière en effet de déshumaniser un enfant que de le gifler. Et là, l'Exorciste, alors c'est le film de Friedkin qui est sorti la même année que le film de Pinotto. 74, génial, tout à fait. Voilà. 74. Moi, je trouve que c'est un film absolument, bon, c'est un chef-d'œuvre, mais pour moi, qui raconte vraiment autre chose que son histoire officielle, qui est donc l'histoire d'une jeune adolescente qui va être envoûtée par le diable. Et qui va donc ça raconte la manière dont elle va être peu à peu, elle va être complètement, se transformer en un monstre, hein, en un monstre avec le diable qui vit à l'intérieur d'elle, jusqu'au moment où un exorciste va arriver, un prêtre, et va réussir à la sauver du diable. Bon, ça c'est le discours, disons, le premier discours. En réalité, le film raconte tout à fait autre chose à mon avis, et moi c'est ça qui je trouve assez fascinant dans ce film. Ça, en réalité, cette jeune fille incarnée par Linda Blair, c'est quoi? C'est une adolescente, hein, elle a 13 ans, elle est sa famille, ses parents sont en train de divorcer, ils ne lui disent pas vraiment, le père n'est pas là, la mère se démerde comme elle peut toute seule avec cette jeune adolescente. Et l'adolescente, donc, elle est sur le point d'avoir ses règles, elle est sur le point de commencer à avoir une sexualité, elle est, voilà, c'est la puberté. Dans les yeux de la mère, parce qu'en fait elle est vue dans les yeux de la mère, Elle se prend d'ailleurs des gifles aussi, cette petite Linda Blair, et elle s'en est pas trop remise du tournage, à vrai dire, cette jeune adolescente. Dans les yeux de la mère, elle est un monstre. C'est-à-dire, ce que nous raconte le film, c'est ce que nous racontent en fait vos émissions depuis le début, qui est, est-ce qu'on ne devrait pas un peu inverser le regard? Est-ce qu'on ne devrait pas se dire que tous ces parents qui giflent leurs enfants, finalement, parce qu'ils voient en eux un monstre, tu vis mal, tu parles mal, nanana, t'as mérité une batte. Est-ce que le monstre n'est pas, la monstruosité n'est pas dans le regard finalement du parent, du père, de la mère, qui ne supporte pas en l'occurrence que la jeune fille entre dans la puberté, que la jeune fille entre dans la sexualité, que la jeune fille fasse ce que font tous les enfants. Parce qu'avoir un enfant, ça veut dire être poussé dans la tombe. Hein. Je vais vous faire un résumé rapide. Mais c'est ça que ça veut dire, en fait. Donc, les humains qui ne supportent pas d'être poussés dans la tombe par leurs enfants, il vaut mieux qu'ils évitent, à mon avis, d'en faire, parce qu'il y a un moment où ça va être insoutenable pour eux. Et c'est là que les gifles arrivent, à mon avis. C'est-à-dire qu'on revient quand même... Il y a même la question de la finitude derrière. Hein. Il y a cette question où voilà que cette jeune fille, elle va s'échapper, elle va partir. Mais c'est l'histoire de Carrie. Carrie au bal des vampires, le roman de Stephen King dont on parlait la semaine dernière d'ailleurs. C'est l'histoire de Carrie qui a bien raison d'allumer des incendies partout. Et il y a bien une tombe à la fin. Absolument. Et d'ailleurs dans son autobiographie, et c'était passionnant, j'ai écouté bien sûr parce que j'ai une passion pour Stephen King, il le dit, il dit, moi cette gamine je l'ai connue au lycée, je l'ai pas défendue donc je fais ça pour la défendre. Il est complètement avec Carrie. Stephen King, alors lui, dans le genre qui n'a jamais mis une gifle à personne, je pense qu'il a, enfin, il s'en est mis à lui-même. Mais il est avec l'adolescente. Là, dans l'exorcisme, ça raconte, en fait, ce que voit un parent quand il voit son fils ou sa fille adolescente et qu'il supporte pas. Qu'est-ce qui se passe? Il voit un monstre. Ouais. Il n'y a pas de monstre. Réveillez-vous, il n'y a pas de monstre. Il y a cette période y a un adolescent. De mutation qui peut être monstrueuse sur un mode burlesque. Mais il y a l'adolescence, voilà. Et donc, si on ne le supporte pas, on va ossifier ce moment-là, hein, pour parler comme les gueules. Et c'est là que la gifle arrive, en fait. Et dans l'exorciste, c'est là, c'est la fille qui gifle la mère à juste titre, parce qu'en fait, dans l'histoire, c'est la mère qui a mérité une gifle. D'ailleurs, depuis le début, on peut dire que c'est les parents qui se sont mérités une gifle et pas les enfants. C'est-à-dire que c'est de l'autodéfense, en gros, hein, pour résumer, la gifle que donne Linda Blair, que donne le diable à travers elle. Et donc, cette diabolisation, et c'est très intéressant d'ailleurs par rapport à ce qui a été dit dans la deuxième émission sur la question du catholicisme, du christianisme, hein, sur cette manière de faire d'un texte saint la punition, enfin de transformer la punition en un commandement ordonné par Dieu. On est dans Carrie, hein. Ouais. Je vous rappelle, la mère de Carrie, c'est une dingue complètement. Enfin, c'est la manif pour tous, la mère de Carrie. Hein. Elle est là, de voir le diable littéralement partout dès qu'il y a de la sexualité, etc. Donc, et de voir de la déviance. Enfin, elle est complètement partout. Fanatique. Elle est complètement fanatique, mais enfin bon, dire que préconiser de battre un enfant à mort, c'est du fanatisme. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, là... Là, on est passé de la punition à la défense, en fait, avec la gifle. C'est ça que vous dites. Absolument. C'est ça. Et on est passé surtout dans cette idée qu'il n'y a pas qu'il faut déplacer le regard du spectateur. Il ne faut pas que le spectateur soit mis en position de se dire, oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est insupportable, cette ado. Elle a vraiment mérité une baffe. Ce que le film de Pinotto nous raconte, hein, même si Adjani essaye de se défendre contre ça. Ce que le film de Piala aussi nous raconte. Là, dans l'exorciste, on nous dit, mais changer de regard. Vous voyez que ce que vous voyez, c'est un monstre. Mais essayez de comprendre que la monstruosité, elle est dans votre regard, en fait. C'est ce que les plus grands films américains nous montrent. Hein. C'est ce qu'on voit dans Halloween. Est-ce que le tueur ne serait pas à l'intérieur de votre tête? Est-ce que la violence, elle n'est pas dans le spectateur qui regarde? Et est-ce qu'il ne doit pas s'interroger dans toutes ses relations et dans ce qui constitue l'humanité et les relations sur la violence qui est en lui, mm-hmm. hein, qui est en lui aussi en tant que parent et qui peut être là comme une tentation qui est là en tout le monde. Hein, y a pas, oui. Voilà. Y a pas de ce point de vue-là des bons humains et des mauvais humains. Mais le film, à ce moment-là, nous décale de la vision religieuse. Alors, si on se décale de la vision parent-enfant, dans laquelle nous sommes depuis le début de cette émission, Hélène Frappa, et qu'on s'intéresse à une gifle qui est administrée non pas par un homme à une femme, ni par une fille à sa mère, mais par une femme à une autre femme, dans un contexte très particulier, qui est un contexte qui peut paraître invraisemblable, qui est celui des oiseaux, le film d'Alfred Hitchcock, 1963. Doing this? Why are they doing this? Ils disent que tout a commencé quand vous êtes arrivé ici. Qui êtes-vous? Et qui êtes-vous donc? D'où venez-vous? Je crois que c'est vous qui êtes la cause de tout cela. Je crois que vous êtes le diable. Le diable! On retrouve le diable cette fois-ci, hein, puisque le personnage de Mélanie, joué par Tippi Hedren, est attaqué ici par une femme qui l'accuse d'être le diable, ce qui expliquerait la présence de ces oiseaux. Hein. C'est elle qui a fait venir tout le mal au sein du village. La gifle est ici une sorte d'autodéfense. Alors certes, de femme à femme, a priori, il n'y a pas de prédatrice. Et pourtant, là encore, il faut remonter dans l'histoire du film, puisque là encore, on se retrouve dans le cadre d'un film qui a été réalisé par un homme qui est connu pour sa maltraitance des actrices, Hitchcock. Oui, enfin, pour torturer, hein, il faut dire. Les oiseaux, c'est un snuff movie, disons les choses. C'est quoi un snuff movie? Clairement, alors le snuff movie, c'est un truc assez à la mode dans les années 80. J'ai jamais trop compris si ça existait en vrai. En fait, ça existe en vrai dans certains films d'histoire du cinéma. C'est-à-dire, c'est l'idée de filmer quelqu'un vraiment qui va être assassiné en vrai. Hein, soi-disant qu'à un moment il y avait un trafic de films comme ça, mais c'est une catégorie qui me paraît très intéressante de gens, c'est-à-dire que concrètement, Tippi Hedren, l'actrice à qui Hitchcock avait raconté qu'il allait mettre des faux oiseaux mécaniques pendant le film, il lui a balancé dans la gueule, hein, dans le visage, des vrais oiseaux. Elle a failli avoir un œil crevé, elle a passé une semaine à l'hôpital. Elle s'en est jamais remise. Elle a arrêté le cinéma. Ensuite, Tippi Hedren, il lui envoyait des cercueils avec son nom et celui de sa fille. Donc voilà, ça, c'est ce que racontent les oiseaux. En même temps, il y a un autre film. Là, effectivement, pour moi, c'est assez passionnant de passer ça après L'Exorciste, parce qu'on est vraiment dans l'idée de la sorcellerie, la sorcière. Ouais. Hein, là. C'est-à-dire, on revient à Carrie, on revient à l'idée qu'une femme doit être battue à mort pour être, parce qu'elle saigne, parce qu'elle a des règles, parce qu'elle a du sang, parce qu'elle peut procréer, parce qu'elle est sale, parce qu'elle est impure. Tout ça, c'est quand même une vision absolument religieuse, qui était la vision d'Hitchcock, d'ailleurs. Hein. C'était quelqu'un d'imprégné d'une éducation religieuse. C'est quelqu'un qui a été élevé lui-même. Son père l'envoyait au commissariat pour une faute qu'il n'avait pas commise, en lui disant comme ça, un jour les flics sont venus l'arrêter quand il était petit, il était au commissariat, et ensuite le père lui a dit, de toute façon, au cas où tu aies commis un crime, tu auras été puni, préventivement. Hein. Bon, donc ça, c'est cette vision-là. En même temps, le film, moi, quand je revois à chaque fois les oiseaux, pourquoi c'est pas insoutenable complètement? Parce que je suis en tant que spectatrice avec Tippi Hedren. C'est-à-dire que, c'est plus que la chef de Monsieur Seguin, ce que je disais au début. Elle lutte, et effectivement, là, elle se défend à ce moment-là. Hein, parce qu'on l'accuse, exactement comme les sorcières de Salem, d'un crime qu'elle n'a pas commis. Hein. Elle est arrivée dans ce village, enfin dans cette petite ville, ce petit port, et à ce moment-là, elle apporte le mal. C'est-à-dire, elle apporte ce que Hitchcock veut qu'une blonde apporte dans son film, c'est-à-dire le sexe. Il disait qu'il filmait les scènes de baiser comme de meurtre, donc voilà, tout est dit à ce moment-là. Donc ça veut dire que le scénario, ce qu'on voit à l'écran, est toujours le reflet de la psychologie du réalisateur? Non, ça veut dire que la mise en scène peut être en guerre contre le scénario. C'est-à-dire que le scénario nous raconte une histoire qui est une femme, littéralement, va à peine elle arrive. Si on voit la causalité, en termes de causalité, elle arrive, il y a des oiseaux. Elle arrive et puis la septième plaie d'Égypte s'abat sur le port. C'est ça qui se passe. Hein. Une espèce d'épidémie d'oiseaux. Bon, elle provoque. On est dans Carrie. Bon, ça, c'est ce que raconte le scénario. La mise en scène raconte autre chose. C'est-à-dire que la mise en scène à laquelle participe l'actrice, hein, il échappe à cette histoire-là. C'est-à-dire, la mise en scène nous dit oh, « Mais est-ce que, finalement, ce film nous raconterait pas autre chose ?» C'est-à-dire, la représentation mythologique, fanatique, folle, qui fait que les femmes se prennent des oiseaux, enfin, qu'on veut leur crever les yeux depuis toujours. Et donc là, un autre film commence, hein, et il y a deux films, et c'est pour ça que, pour moi, les oiseaux restent un film, c'est un film d'une perfection formelle absolue, mais ça reste un chef-d'œuvre parce qu'il autorise, c'est pour ça que je parlais de démocratie tout à l'heure, il autorise un autre récit, il autorise à l'actrice. Alors après, à quel prix, évidemment, hein. Au prix qu'une actrice a failli avoir les yeux crevés, au prix qu'une actrice a fait une semaine d'hôpital, au prix qu'une actrice a arrêté le cinéma. Mais ce film-là, il est enregistré, comme dans Marnie. Hein, Marnie pas de printemps pour Marnie. Pas de printemps pour Marnie, où il y a une scène de viol, mais qui est vue du point de vue de celle qui est violée, selon moi. Même si, en effet, le film raconte les deux en même temps. Il y a deux récits. et ces récits, ils se giflent l'un l'autre, on pourrait dire. Alors la gifle au cinéma, c'est pas que des rapports de force sadiques et de domination, c'est aussi des bagarres un peu burlesques. Il nous reste très peu de temps, mais je voudrais quand même qu'on se quitte avec cette bagarre entre un gardien de musée et un singe empaillé. Oh, Dexter! Décoincé. J'ai pas de temps à perdre, ça suffit. Donne-moi mes clés. Et doucement, c'est bien, Dexter. Gentil, gentil, Dexter, c'est ça. Oh, oh. Ah. Juste ciel, Lorenz, pourquoi giflez-vous ce singe? Mais c'est lui, il me pousse à bout, il me pousse à bout, et moi je suis à bout. Baliverne, cette petite créature est votre cousin primate. Sans lui, nous ne serions pas. Vous devez traiter cette créature avec amour et respect. Pourrais-je avoir ses clés, cher ami? Merci. Le singe le pousse à bout et on est presque au bout de l'émission. Hélène Frappa, en une minute quand même, cet extrait nous montre, on est dans le burlesque, là, le slapstick, c'est que ce que vous disiez, en fait, la gifle n'a rien à nous apprendre, c'est juste des coups échangés. Exactement, on est dans l'absurde et on est dans le moyen, je disais, il faut changer de récit. Ben voilà, le slapstick nous fait complètement changer de récit. Qu'est-ce que c'est quoi le slapstick? Historiquement, c'est la commedia dell'arte, c'est le fait que deux bâtons se slapent, se giflent. Hein. Donc c'est la gifle entre deux bâtons, c'est ce que font tous les personnages de la commedia dell'arte, c'est-à-dire le visage n'est plus ce visage humain, hein, cette fossette, cette joue qu'on va humilier, dominer, frapper, etc. Ça devient un masque, le masque de l'acteur, comme et à ce la Ben Stiller, la nuit au musée. La Ben Stiller, ma nuit au musée. Et aussi bien, de ce point de vue-là, le masque de l'acteur est identique à un singe, est identique à un arbre, est identique. C'est-à-dire, nous sommes sortis complètement, et Hegel adore, je pense, a adoré cet extrait de Ma nuit au musée, on est sortis complètement. La nuit au musée, il y a Manu chez Maud et la nuit au musée. Oui, mais c'est ma nuit avec Ben Stiller. C'est votre nuit avec Ben Stiller, voilà, je vous la laisse. Donc voilà. Et donc dans ma nuit, non, dans la nuit au musée, on est parti ailleurs. On est dans un récit où en effet ils peuvent se battre indéfiniment. Ce sera dans l'absurdité de ce que peut être les relations humaines. Ça peut être dans une critique sociale. C'est la commedia dell'arte. Mais c'est en dehors de ce vieux discours patriarcal de la domination. Et là, c'est le slapstick. C'est vers là qui nous emmène vers un autre récit de gifle. Nana qui en épongeait pour son bac. Jouche le barbe, son homme trotte sur le du jaja. Pendant que j'y faisais la retarde. Des claques, des claques, des claques, des cœurs et des boxons. Des claques, des claques pour soulager le griston. Des claques au jour. Et oui, The Get Back, The Beatles, à Get Clack de The Rolling Bidochon pour terminer cette émission avec vous, Hélène Frappa. Merci infiniment d'être venue ce matin. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce voyage cinématographique. De votre bibliographie sera en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et puis donc, on attend votre nouveau livre avec impatience. Bon courage pour l'écriture. Il est temps, sur les Chemins de la Philosophie et sur France Culture, de retrouver la question philo du jour d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Alors, vous êtes toujours en train de faire du vélo? Ouais, je suis au pied du Tourmalet dans une église, donc ça résonne, mais il pleut un peu, j'ai pas le choix. En effet, et ben c'est parfait pour la question que vous voulez nous soumettre ce matin. Qu'est-ce que le génie? Eh bien, c'est, je crois, ma 722e chronique et c'est, je crois, ma dernière chronique. Plus le temps, donc, pour être modeste. Le génie, je sais exactement ce que c'est. C'est mon compagnon depuis toujours. Un compagnon aussi grand, aussi invisible que le ciel, avec parfois un nuage qui vient le matérialiser. Ainsi, j'étais allongé l'autre jour sur une chaise longue, dans un terrain un peu en pente, le sang devait légèrement me remonter au cerveau, et c'est à ce moment que le génie a choisi pour réapparaître. Je regardais justement passer de grands nuages, ces grands nuages qui sont la seule forme d'expression artistique qu'en dernier lieu, je jalouse. J'étais quelque part en Mayenne, au bord de la Vivonne, au fond de mon Combray, et j'observais passer ces nuages comme autant de projets, de romans, et j'étais à la fois un peu pressé par le temps, parce que j'aurais bientôt l'âge de Proust, de Bolaño et de Balzac, les romanciers dépassent rarement les 50 ans, et j'étais en même temps trop profondément aspiré par ma rêverie pour ne rien faire. Le ciel de Mayenne est le mien, je le sais depuis l'enfance. Le premier livre que j'ai rêvé d'écrire avec son liseré de grands romans portait le nom du village d'Argentré, le village familial, ce paradis perdu des longs repas et du discours indirect libre, quand tout prend la substance d'une longue et d'une interminable phrase qui vient mourir très tard dans l'après-midi, et dans laquelle les drames, les anecdotes, les commentaires psychologiques, les considérations sur l'ordre du monde forment une seule patte, humaine et transparente. Et alors ce roman, est-ce que vous l'avez écrit ? Eh bien non, il m'a été dicté, mais je ne l'ai pas écrit, car il est en quelque sorte constitutif de moi-même, de même que cette anomalie du ciel qui fait que là-bas, dans mon département natal, il est inévitable que je croie en Dieu, Dieu qui pend de partout au ciel, à la moindre intersection, au croisillon de toutes les églises, par-dessus le mur de tous les cimetières. Son existence, ainsi configurée, n'est même pas questionnable. Je crois en Dieu comme je crois au sommeil, quand je me vois partir dans une sieste inévitable, sous les branches d'un cerisier, en regardant défiler les nuages. Ni les Rougon-Macquart, ni la comédie humaine ne me paraissent alors des objets trop grands pour moi. Le vent m'apporte gratuitement de nouveaux projets de romans, l'un sur un astronome californien convaincu de harcèlement sexuel et spécialiste reconnu de la découverte de nouvelles exoplanètes, le roman donc d'un prédateur de dimension cosmique. Mais aussitôt, le vent pose un autre nuage, le même roman, mais cette fois rapatrié dans le bocage normand, avec l'histoire d'un philosophe païen qui se prendrait pour un présocratique et qui séduirait toutes les femmes de sa sous-préfecture, moitié Monsieur Wynne, moitié muse du département. Mais le sommeil arrive déjà, et je suis réveillé en sursaut, c'est véridique, par un nom de roman, Unmanned. Ce serait le nom d'un groupe de rock progressif venu enregistrer un album concept dans un château français. Ce serait l'histoire du rock et de cet apogée révolue sous sa forme archaïque de ce qu'on a appelé la pop culture. Bon, mais rassurez-moi, ces romans, Aurélien, vous allez les écrire. Eh bien, vous verrez bien. J'ai eu aussi encore une autre idée, à vélo cette fois, en laissant Paris derrière moi, dans une longue descente de la Gouelle qui m'emmenait vers Laon, l'idée d'un grand roman politique qui s'appellerait « Les derniers jours du Parti Socialiste » et qui raconterait comme une farce la courte apogée sur fond d'attentats islamistes d'un groupuscule de républicains fanatiques. Et c'était très beau, car chaque nom de village traversé m'apportait un nouveau nom de personnage. Et donc ce serait ça le génie ? Ce serait rêver à des romans ? Encore mieux que rêver, les voir s'écrire tout seul, car le génie, à ces moments qui frôlent presque l'écriture automatique ou la dictée du rêve, c'est quelque chose qui ressemble, mais niché au cœur des choses, dans la matière même à laquelle elle n'est pas censée appartenir, celle calcaire du bassin parisien ou celle métamorphique du massif armorica, celle qui rassemble à l'expression la plus pure que je connaisse, de la liberté grande comme un ciel, mais aussi collée à la terre que la coquille d'un œuf. Merci beaucoup Aurélien, et merci pour ce lieu pieux pour terminer effectivement cette chronique et cette année. Bon voyage, bon vélo à vous, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous envoie des photos, à bientôt. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, qui va bientôt faire du vélo elle aussi, qui sait. En tout cas, aujourd'hui, c'est Jules Barbier qui a préparé cette émission en compagnie de Clémentine Marais, Manon Delasalle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda, qui a réalisé pour vous cette série d'émissions sur la gifle, Clément Daté qui est à la prise de son aujourd'hui, à la lecture des textes, Bernard Gabet. On se retrouve demain. Demain, nous serons en direct et en public depuis Lourmarin, à l'occasion du festival Estival Albert Camus, un festival coproduit par les Rencontres Méditerranéennes Albert et France Culture. France Culture va donc s'installer pour deux jours au château de Lourmarin. Plusieurs émissions seront en direct et en public. Vendredi, demain, donc la grande table de Lydia Gesbert sera en compagnie de Catherine Camus. Il y aura certaines lectures à 20h. Samedi, on vous proposera une dictée géante et une lecture musicale d'Abdel Malik à 20h. Quant à nous, nous serons à 10h donc en direct en compagnie de Marlene Maezo pour parler de l'homme révolté. Les entrées sont libres sur réservation d'ici là. Vous pouvez réécouter cette série autour de la philosophie de la gifle en vous rendant sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie ou en téléchargeant l'application Radio France. À demain, 10h. Restez à l'écoute sur France Culture d'ici là. Demain, je vous l'annonce, ce sera un autre jour à démarrer avec les matins de France Culture. Informer, réagir, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Avec nos journalistes, des penseurs et des artistes, alors je vous attends dès 7h. Les matins de France Culture, dès 7h et sur franceculture.fr.